Apocalypse chapitre 16. Alors jouit du temple une voix éclatante, qui disait aux sept anges, allez, et versez sur la terre les fioles de la colère de Dieu. Ainsi le premier ange s'en alla, et versa sa fiole sur la terre, et un ulcère malin et dangereux, attaqua les hommes qui avaient la marque de la bête, et ceux qui adoraient son image. Et le second ange versa sa fiole sur la mer, et elle devint comme le sang d'un corps mort, et tout ce qui avait vie dans la mer, mourut. Et le troisième ange versa sa fiole sur les fleuves, et sur les fontaines des eaux, et elles devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux, qui disait, Seigneur, qui est, qui était, et qui sera, tu es juste, parce que tu as fait un tel jugement. À cause qu'ils ont répandu le sang des saints et des prophètes, tu leur as aussi donné du sang à boire, car ils en sont dignes. Et j'en ouïs un autre, du côté de l'autel, disant, certainement, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Puis le quatrième ange versa sa fiole sur le soleil, et le pouvoir lui fut donné de brûler les hommes par le feu. De sorte que les hommes furent brûlés par de grandes chaleurs, et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a puissance sur ses plaies, mais ils ne se repentirent point pour lui donner gloire. Après cela le cinquième ange, versa sa fiole sur le siège de la bête, et le règne de la bête devint ténébreux, et les hommes se mordaient la langue à cause de la douleur qu'ils ressentaient. Et à cause de leur peine et de leur plaie, ils blasphémèrent le Dieu du ciel, et ne se repentirent point de leurs œuvres. Puis le sixième ange versa sa fiole sur le grand fleuve d'Euphrate, et l'eau de ce fleuve tarit, afin que la voie des rois de l'Orient fût préparée. Et je vis sortir de la gueule du dragon, et de la gueule de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits immondes, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits diaboliques, faisant des prodiges, et qui s'en vont vers les rois de la terre et du monde universel, pour les assembler pour le combat de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme le larron. Bienheureux est celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin de ne marcher point nu, et qu'on ne voit point sa honte. Et il les assembla au lieu qui est appelé en hébreu, Armageddon. Puis le septième ange versa sa fiole dans l'air, et il sortit du temple du ciel, une voix tonnante qui procédait du trône, disant, c'est fait. Alors il se fit des éclairs, et des voix, et des tonnerres, et il se fit un grand tremblement de terre, un tel tremblement, dis-je, est si grand, qu'il n'y en eut jamais de semblable, depuis que les hommes ont été sur la terre. Et la grande cité fut divisée en trois parties, et les villes des nations tombèrent, et la grande Babylone vint en mémoire devant Dieu, pour lui donner la coupe du vin de l'indignation de sa colère. Et toute île s'enfuit, et les montagnes ne furent plus trouvées. Et il descendit du ciel sur les hommes, une grêle prodigieuse du poids d'un talent, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause de la plaie de la grêle, car la plaie qu'elle fit fut fort grande.